confrontation in some stupid little town. A black killer. Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 115e Vampire Freak, c'est Spike qui débarque dans votre salon. Et oui, la tribu, c'est la Vampire Freak, c'est la 115e et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Merci pour tous vos messages que vous m'avez laissés suite à l'émission, certes un peu courte, de la semaine dernière. Mais voilà, cette semaine, de nouveau, plein de nouveautés, du bon son, du culte, enfin pas mal de choses. On commencera tout de suite avec Rock On de Doro. C'est sur l'album Doro, son deuxième album, sorti le 25 septembre 1990. On retrouve An Only Love, Rare Diamond et Mirage. On continuera ensuite avec une exclusivité, Time to Fight. Commencer au cœur du système, voilà, de Ansohem. C'est sur le EP Au cœur du système, un EP 5 titres qui sort en début mars. On retrouve Blood and Tears, Time to Fight, Au cœur du système, Screw You, Resist et Zéro Degré. Allez sur la page Facebook de Ansohem, ils sont sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes égales. On continuera ensuite avec Embrace the Fire de One Last Shot. C'est sur la bonne Even Cowboys Have Sundays. C'est sorti en 2016. On retrouve One Night Stand, Live Fast Die Young et Feel Alright. Allez sur la page Facebook de One Last Shot. Ils sont sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. On continuera avec un classique. Les Blobs Attaquent la Plage de Ludwig von 88. C'est sur l'album Oulala 2, La Mission, sorti en novembre 1987. On retrouve Louis Zambobé Forever, Tuez les tous, Abri Atomique, un classique du punk français. Et on finira ce bloc en live avec The Youth de Burning Spear. C'est sur le live à Paris en 88, sorti le 29 mars 1989. On retrouve We Are Going, Woman I Love You et African Postman, un classique. I don't care where they're at. My heart's beating like a drum.

Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Come along, my sister. sisters, come, come. Oh, my brothers, come, come, come. Oh, yes, my sisters, come, come. You come, come. You come, come. Here to pick up the pieces. Here to pick up the pieces. Here to pick up the pieces. Here to pick up the pieces. Oh, the pieces, yes, the pieces. Come along, my brothers. Come along, my sisters. Come along, my brothers. Come along, my sisters. Oh, you come on, you come. Yes, you come on, you come. You come, come. You come, come. You come along, you come along. You come along, you come along. Here to pick up the pieces. And let the place look good. And let the place be clean. You come, come. Come now. You come, come. People, talk to me! Talk to me, people, talk to me! Vous êtes toujours dans la 115e Vampire Freak, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Rock On de Doro, Time to Fight, au cœur du système, le nouveau Anso M. Allez sur la page Facebook, ils sont excellents. Embrace the Fire de One Last Shot. On a continué avec Les Blobs Attaquent la Plage de Luke Duvain 88 et on a fini ce bloc en live avec The Youth de Burning Spear. On continuera cette émission en live et oui, cette semaine il y en a du live. C'est pas une émission spéciale, mais je me suis lâché. Donc on continuera avec Do You Know en live de The Slakers. C'est sur l'album The Question sorti le 20 novembre 98. On retrouve Have the Time, Feed My Girl et Make Me Smile. On continuera ensuite avec une nouveauté. Black Hole de Bad to the Bone, c'est sur l'album 13, sorti le 21 septembre 2017. On retrouve Last Drop of Love, Ghost of Her Past et Belly of the Beast. Allez sur la page Facebook de Bad to the Bone, ils sont sur YouTube et toutes les plateformes. On continuera avec une autre nouveauté, Bloom de Wolfie Zobo, c'est sur leur EP 5 titres Piece of Cheek, sorti le 17 novembre 2017. On retrouve Smoke Hello Down, Mrs. Jackson, Bloom, Beat Goes On et Ghost Blaster, et Ghetto Blaster, pardon. Ils sont sur Facebook, YouTube, et Bandcamp et toutes les plateformes légales. On continuera avec From Zero to Hero de Arnaud, c'est sur l'album Jukebox, sorti le 22 janvier 2007. On retrouve Mourir à plusieurs, Hit the Night et Toute la nuit. Arnaud lui a donné ce nom justement parce que chaque morceau est différent et il le considère comme un jukebox. Et on finira en son. En live avec du Destroy 1969 de The Stooges. C'est sur l'album The Stooges sorti le 5 août 69. On retrouve I Wanna Be Your Dog, We Will Fall, No Fun, du son Guild. Vampire Freaks chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. You make me scream, you make me sweat, you make me wish we never met. I agree, I confess, it's all about sex. Look at me, out of control, my skin looks yellow, my love life mellow. See another face in the window, another face. I'm not your hero. No, no, no, no, I'm not your hero. No, no, no, no, I'm not your hero. From hero to zero, from zero to zero from Ah, ils étaient frais, les gardons à San Francisco en 80. Vous êtes toujours dans la 115e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. Do You Know en live de The Slaker, Black Hole de Bad to the Bone, donc le nouveau Bad to the Bone, Blom le nouveau de Wealthy Obo, From Zero to Hero de Arnaud et 1969 en live des Stooges. Ah, c'était Destroyer's Way, c'était sympa. On continuera avec un autre live, I Want Justice de The Selector. C'est sur l'album The Happy Album, sorti en 1994. On retrouve Whip Dead Down, Sweet and Dandy et Leaders, un classique de chez Classic. On continuera ensuite avec une nouveauté, Clair Obscur de le nouveau Empreinte. C'est sur un album de Debo 2017. On retrouve Inaltérable Corrosion, Clair Obscur et Oba d'Inachevé et Lambeau. Allez sur la page Facebook de Empreinte avec un S entre parenthèses. On les retrouve aussi sur Bandcamp et YouTube et bientôt sur les plateformes. On continuera avec une autre nouveauté, Mr. Davis de Walter Trout et Robin Ford. C'est sur l'album We Are All In Tonight, sorti le 25 août 2017. On retrouve Gonna Hurt Like Hell, The Sky Is Crying et Too Much To Cry. Allez sur la page Facebook de Walter Trout, il est sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. On continuera avec Even With The Pills de Frustration, c'est sur l'album Empires Of Shame, sorti le 14 octobre. Octobre 2016. On retrouve Just Wanna Hide, Excess et Mother Everything Hikes, je les adore vivement leur prochain album. Et on finira ce bloc en live avec une démo de Air of Days, c'est leur première démo en live. Je remercie Florent de Belfort de m'avoir fait passer ça. Donc ils sont sur Facebook, ils sont sur YouTube et j'espère bientôt sur Bandcamp et les plateformes. Des petits jeunes à encourager. Cheating's gonna be a two. Well, it's impossible to see what you have done for me when the world turned to blue. I never knew you had another love too, but your cheating's gonna be a two. Hey, I want justice. I want justice. I want justice. I want justice. I want justice. I want justice. I want justice. I want too. I never knew that you could be so cruel, but your cheating's gonna be a two. Hey, I want justice. I want justice. I want justice. I want justice. I want justice. I want justice. I want justice. I want justice. Thank you. because I know I want justice. Fix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Ah, ils sont bien ces petites Day of Days. Vivement qu'ils m'envoient du son propre parce que là, c'est vraiment le coup. Vous êtes toujours en 115e Vampire Afrique, c'est Spike qui débarque dans notre salon. On vient de s'écouter I Want Justice en live de Selecteur, Claire Obscure, le nouveau Empreinte, Mr. Davis, le nouveau Walter Trout, Even With The Pills de Frustration, et donc on a fini ce bloc en live avec Lycanthrope de Air of Days. On doit arriver au petit bloc coup de cœur là, c'est le petit truc qui fait du bien. On commencera en live avec Jouer avec le feu des Shérifs. C'est sur le live Les deux doigts dans la prise qui a été réédité en double album il y a pas longtemps. Il était sorti en 2000 à la base. On retrouve Je veux savoir pourquoi, Jusqu'au bout, Ne fais pas cette tête là, entre autres. Un excellent live. On continuera avec une autre nouveauté, Car nous sommes nombreux de Bad Trip. C'est sur l'album Les Contes de la Trip, sorti le 31 octobre 2017. On retrouve Fuck Me Freddy, La Bouchère de Hanovre, Hansel et le titre Gretel. Ils sont sur la page Facebook, ils sont sur YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes légales. Ils sont fous, je les adore. Un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. On continuera ensuite avec Ring Ring Rose, le nouveau Charlotte Gainsbourg. C'est sur Rest, son 5e album, sorti le 17 novembre 2017. On retrouve Lying With You, I'm Alive, Kate, dédié à sa sœur décédée, et Les Oxalis, un magnifique album. On continuera ensuite avec une autre nouveauté, Innocent de Nevermind The Car. C'est sur leur EP2, 6 titres qui vient de sortir. On retrouve Sweet Love, Innocent, Elastic, Ghost Crisis, Never Let You Go et Angels Falls. Ils sont sur Facebook, ils sont sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. Et on finira ce bloc en live avec Drain You de Nirvana. C'est sur le Live at Reading, sorti en 1992. On retrouve Aneurysm, Smell Acting Spirit, Dive, la seule tournée mondiale de Nirvana, et ça a été la dernière date de la tournée qui a été arrêtée en cours de route.

Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. You don't. place jusqu'à la dernière note, Nirvana. Vous êtes toujours dans la 115e Vampire Freak, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Jouer avec le feu en live des Shérifs, car nous sommes nombreux. Des bad trips, ah, celle-là je l'ai dans la tête, c'est une catastrophe. On a continué ensuite avec Ring a Ring a Rose, le nouveau Charlotte Gainsbourg. On a enquillé avec le nouveau Nevermind the Car, Innocence, c'était le titre de la chanson. Et on a fini ce bloc en live avec Drain You de Nirvana. On continuera cette émission avec une autre nouveauté, A New Era. C'est sur c'est de Moscova, c'est sur l'album The Man of the Free Islands qui vient de sortir. On retrouve Battle in Cold, Russia Eyes que j'ai déjà diffusé et Look Back. Allez sur la page Facebook de Moscova, ils sont aussi sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. On continuera avec une autre nouveauté, Suki, le nouveau Doules and Dio. C'est sur l'album Comme tout homme volume 2 sorti en 2017. On retrouve Essie, Mon CAP, Bizarrement parfois. D'ailleurs, le clip de Bizarrement parfois est visible sur YouTube. Allez aussi sur la page Facebook de Doules and Dio, ils sont sur Bandcamp et toutes les plateformes. On continuera ensuite avec une autre nouveauté. Ah oui, je vous ai gâté là dans ce dernier bloc pour une nouveauté. Ne m'en veux pas de Eric Arma, c'est sur l'album Citoyen du Monde sorti en 2018. On retrouve Éternel, Ici et Maintenant et Droit Devant. Allez sur la page Facebook de Eric Arma, il est sur YouTube et toutes les plateformes. On continuera avec une nouveauté, là, c'est La Forêt de WD-40, c'est sur l'album La Nuit Après le Déluge, sorti en 2018. On retrouve Le Déluge, Quand dans la nuit, Ton corps brûle, méconnu chez nous, ils sont québécois, et j'aimerais par cette diffusion vous faire découvrir leur univers. Ils sont sur Facebook, ils sont sur Bandcamp, ils sont sur YouTube, et bientôt sur les plateformes. Et on finira ce bloc en live, vous avez entendu, hein, c'est punk aujourd'hui, avec Protesta, en live des Berus, c'est sur l'album Olympia 89, on retrouve Camouflage, Salut à toi, elle tue à son petit frère, enfin, tous les classiques des Berus quoi. We'll be right back. Ouais. Qu'est-ce qui donne et ceux qui prennent, ceux qui aiment, ceux qui haïssent, ceux qui ne voient pas ce qui est, ceux qui baissent les bras quand toutes les sources tarissent, dans ceux qui cherchent un coupable, y'a ceux qui lavent les consciences, ceux qui les salissent, y'a ceux qui imposent, ceux qui subissent, ceux qui proposent, ceux qui choisissent, ceux qui osent, ceux qui périssent, y'a ceux qui posent, ceux qui agissent, ceux qui se posent, ceux qui s'agitent, ceux qui font, ceux qui cogitent, ceux qu'en font, ceux qui assagissent, y'a ceux qui nient, ceux qui avouent, ceux qui envient, ceux qui changent souvent la vie, ceux qui fuient ce qui est vrai face à ce qui est vrai, y'a ceux qui détruisent et ceux qui créent, hey. Le reste est déjà fait. Y'a ceux qui appellent la police, ceux qui tirent, ceux qui tapent, ceux qui partent en folie, ceux qui kiffent, laissez leur marque. Celle prude, celle SM, celle qui hurle, celle qui fait des siennes, celle qui brûle ta vie, celle qui te fait des scènes. Y'a ceux qui mentent à eux-mêmes aux autres, ceux qui ne mentent qu'aux autres, ceux qui devraient plus parler à eux-mêmes, ceux qui jugent sans savoir, ceux qui savent et trahissent, ceux qui croient en grand nombre, ceux qui ne pensent qu'aux gros chiffres. Y'a ceux qui ont une mif, ceux qui n'ont pas de complices, ceux qui délèguent leur merde, ceux qui s'arrachent les tifs. Y'a ceux de la jeunesse dorée, ceux de la cage, ceux qui s'érigent, ceux qui relaient les bavardages. Y'a ceux qui voient, ceux qui transforment, ceux qui font face, ceux qui s'évanouissent, un lucide, un psychopathe dans toutes nos malices. Plus le temps passe, plus y'a de leçons dans nos valises. Parce que plus l'âge avance et plus on réalise. Y'a ceux qui donnent et ceux qui prennent, ceux qui m'aiment en t'aimant te haïssent, ceux qui jouent, ceux qui craignent. Y'a ceux qui envient leurs proches, ceux qui partagent le bonheur des uns, ceux qui font le malheur des autres, le sourire devant les choses moches. Y'a ceux qui méprisent, ceux qui méditent, ceux qui constatent, ceux qui parlent de crise, ceux qui ont pas le juste tact. Il faut qu'on tente. Ceux qui sont trop bons, ceux qui sont trop cons, ceux qui poussent à bout, ceux qui craquent, ceux qui restent au fond. Y'a ceux qui soucient des autres, mais ceux-ci sont rares. Ceux qui sont sidérés par le monde, ceux qui prennent plus que leur part. Ceux qui parlent bien, ceux qui parlent mal, ceux qui parlent pas. Ceux qui parlent pour rien, ceux qui s'égarent, ceux qui partent mal, ceux qui partent pas. Y'a ceux au regard dur et ceux au cœur tendre. Ceux qui sont jamais sûrs, ceux qui arrivent pas à se détendre. Y'a ceux qui pètent un câble et ceux qui basculent. Ceux qui se relèvent, every time, ceux qui assurent, ceux qui rassurent. Y'a ceux qui rêvent et ceux qui sont réalistes. Ceux qui passent de l'un à l'autre, ceux qui crèvent seuls, ceux qui s'unissent. Y'a ceux qui donnent la vie et puis ceux qui la prennent. Ceux qui pichent tout aux autres mais se comprennent pas eux-mêmes. Et puis y'a ceux qui avancent sans regarder devant, qui ne comptent que sur eux-mêmes, qui écartent les sentiments pour éviter les problèmes. Ceux qui ont pas d'illusions, ils écoutent pas les promesses. Et puis, eux, ils avancent. Ne t'inquiète pas, garde le sourire.